See what it'll become.

lance ma vie comme un homme jamais parti. Comme un movie, un enfant star dans Home Alone, dans un club mad. Et fixe de toutes les culs, et kicks dans mon écran, pas de cloche. J'suis tout nu, j'regarde en photo, j'entends des trames sonores. Bon, ben quoi ça a l'air, plus d'or dehors.

Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR.